la fin, voici le tango des affamés. Nos chaussures à bascule, on est tous des funambules. Espace en glisse, on atterrit sur le coccyx. Et c'est les quatre heures l'heure que l'on boit les derniers verres. Combien qu'on a de verres dans le nez, on n'a pas eu le temps de compter. D'accord, on peut pas tout faire, boire et puis compter les verres. L'effort en calcul mental diront qu'on a bu pas mal. Et t'as supprimé Tilik. Ah, pas se faire chier avec cette bande de merde. On la recommence, hein. On y va, là. Sur nos chaussures à bascule, on est tous des funambules. Et si par hasard on glisse, on atterrit sur le coccyx. Et c'est les quatre fers en l'air que l'on boit les derniers verres. Combien qu'on a de verre dans le nez, on n'a pas eu le temps de compter. On peut pas tout faire, boire et puis compter les verres. Des fonds en calcul mental diront qu'on a bu pas mal. État suprême éthylique, magnifié par la musique. On s'agite en mue les fesses, la danse ça fait fondre la graisse. On n'a plus un poil de sec, y'a que les verres qui ont le cul sec. Combien qu'on a de terre dans l'air, on n'a pas eu le temps de planter. Enfin, on peut pas se faire, on peut le faire. Mais pour un calcul mental, dire au fond, on a vu pas mal. Tu fais pas chier derrière toi. De gros cons de poumons en cage thoracique. De gros cons de poumons mous comme de la chic. Ne vivent que d'air pur ces deux grosses enflures. Je les ai enfumés, ça les fait tousser. Pas question que j'arrête mes bonnes cigarettes. Sont devenus tubards, les deux gros connards. Ma cage thoracique, c'est pas une clinique. Je vais les foutre en l'air, m'acheter un hamster, et puis aussi une roue, pour qu'ils fassent joujou. C'était le professeur Charon à Gand. J'avais de l'inceste. C'est la java de l'inceste. Illicite. Celle qu'on danse avec sa nièce, la petite. On s'approche à petits pas et on dit suce-tonton, c'est les nougats. Garantie. Sans sucre ni colorant. Le zizi ne fais pas tomber les dents des petits. Ah, que c'est moi la jalisse, la java de tous les vices. Ah, que c'est moi la jalisse, la java de tous les vices. C'est la java des travaux en dentelle. C'est la java des travaux en dentelle. Et on marche un petit pas en cadence. Et on met le cul en caca, pas porte chance. Ah, que c'est pas la jolie. La java de tous les vices. C'est la java des lesbiennes en chaleur, qui tortille de l'abdomen sans pudeur. Une main dans la culotte, farfouilleuse. Elle se caresse la motte, bien chuteuse. Elle pousse des petits cris. Hi, hi, hi. À chaque fois je jouis le trou pipi. Ah, que c'est beau la jalisse. Ah, que c'est beau la jalisse. Ah, que c'est beau la jalisse. La java de tous les vies. C'est la java des amants. Masoché, qui se fait aller jusqu'au sang et percer. C'est la java des amants. Masoché, qui se fait aller jusqu'au sang et percer. C'est la java des amants. Masoché, qui se fait aller jusqu'au sang et percer. Jamais fait plus bête. Bête. Bête. Bête. Comme le mouton que l'on tond. Les cœurs. Bête. Pour lui mettre en pantalon. Quand on le passe au tournebroche, la monnaie tombe de ses poches. Dans le plat qu'on a mis dessous. pour de faire de la sauce au sou. Bête, bête, bête, on n'a jamais fait plus bête. Mais il y a encore plus bête, bête, bête, bête. Qui c'est qui rentre, hein? On y va sur la chanson bête? Mais il y a encore plus bête. Dans la forêt incendiée, un fou avec un panier sous les cendres ramasse les fraises en croyant. Non, sous les cendres ramasse les braises en croyant que ce sont des fraises. Ah, que c'est bon les fraises des bois. Dommage que ça brûle les doigts. Bête, bête, bête, bête. L'histoire du toréador qu'a une puce dans maillot de corps. Et quand elle lui gratte le dos, se frotte sur les cornes du taureau. Le matador en est mort, la petite puce elle vit encore. Bête, bête, difficile de faire plus bête. Mais il y a encore plus bête. Mais il y a encore plus bête. C'est le cuisinier qui pleure, parce que c'est un homme de cœur. À chaque fois qu'il bat l'omelette, à coup de fouet dans une assiette, il est contre la torture. Depuis, il mange des œufs durs. Bête, bête, bête, on a faim. Mais il y a encore plus bête. Un mec élevé des tatous, des cœurs, un zinzin, un zinzin. Le tatou se vend pas du tout. Il tatoue à ses tatous et maintenant il vend tout. Tatouer la peau de tatou, c'est joli et cher comme tout. Le tatoueur de tatou est devenu riche et tout. Si t'as des tatous, tatou, tu tatoues et tu tatoues. Bête, bête, bête, on n'a jamais fait plus bête. C'était dans la boîte à gants. Mort depuis avant-hier, on m'emporte vers le cimetière. Dans le fourgon mortuaire, de ma vie je fais l'inventaire. Mes crayons et Rastaquaire, sûr que j'irai en enfer. À quoi bon perdre du temps au rite de l'enterrement? Tube d'enfer, feu d'enfer, vive Monsieur Lucifer! Des planches de bois qui m'encerclent, je fais sauter leur couvercle. Puis je bondis du corbillard, j'atterris sur le trottoir. Et la vitesse maxi, je m'en coupe dans un taxi. Descendez, je prends pas les morts, me dit le chauffeur buteur. Tube d'enfer, feu d'enfer, vive Monsieur Lucifer. Tube d'enfer, vive Monsieur Lucifer. Au chauffeur, je rétorque, tu perds du pognon du schnock. Je te donne les dents en or, que m'ont laissé le croque-mort. Emmène-moi à place de l'enfer, au bar de Monsieur Lucifer. Ok, fais chauffeur cupide, qui démarre comme un bolide. Tube d'enfer. C'est pour toi que je chante, hein. Pour Camoche, ça. Hey. Arrivé place de l'enfer, il n'y avait qu'un bistrot d'ouvert. Je ne pouvais pas me tromper, c'était le bar des damnés. Je pousse la porte du bar, vint vers moi un balabar. Et il se mit à gueuler, ici c'est un club privé. Club d'enfer, club d'enfer, club d'enfer, monsieur. Et dis donc, ça va comme ça, que je réponds au gros poussa. Je suis un fils de ta... Je suis un fils de Satan, je sais que papa m'attend. J'entendis un ricanement, une sorte de rire dément, qui me frotte dans le dos et me glace jusqu'aux os. Tube d'enfer. J'aperçus dans un halo, le diable enchéré en eau. était accoudé au zinc, avait les reins de brin de zinc. Je m'approchais pas très fier, et pour détendre l'atmosphère, je criais « C'est ma tournée !» et je me mis à chanter. Tu veux en faire ? Tu veux en faire ? Ça va. Je vis alors... Écoute. Je vis alors le démon, me tendre un paquet de diphtons, m'ordonnant en haut sur le temps. Prends tout ça, c'est mon pognon. J'investis dans ta chanson. Surtout, ne me fais pas marron et je te renvoie sur terre. Tu vas faire le tube d'enfer. Tube d'enfer, tube d'enfer. Le mendigote, debout sous la flotte, pieds nus qui clapotent, l'air un peu idiote, elle est toute palote, elle m'aime et grelotte. Mais pour la défaite, on trop rigolote, je la ravigote avec deux calottes. Claquant des canottes, la blague qui sanglote, pleure pas petite sotte, que je lui chuchote, je suis dans le tuchote, d'une voix qui dorlote. Pour l'anecdote, que sont rigolote, je la défagote, retire sa culotte. Elle est maigriotte, je préfère les boules. Ça marche pas. Et pour l'anecdote, que sont rigolote, je rentre ma carotte au cœur de sa motte. C'est bien, c'est bien, c'est bien.